En Corée, on a construit une fresque en mosaïque figurant le président Kim Il-sung au centre d'élevage du secteur de Seppo de la province du Gangwon. La cérémonie de dévoilement a eu lieu le 29 juillet en présence de Kwak Bom-gi, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, des cadres intéressés, bâtisseurs et travailleurs de l'arrondissement de Seppo.